ma tête. Si vous m'aimez, aidez-moi. Je vais pas pouvoir le faire moi-même. Le pied de la buée sur les vitres, yes. C'est un cheat, c'est un bug, c'est un script, yes. Quand t'es chaud, t'es se faire que des kills, yes. T'as compris, c'est un rêve pour les geeks, yes. Laissez-moi faire ma crise, yes. Laissez-moi mettre les doigts dans la prise, yes. Death Note, j'veux mon nom sur sa liste, yes. Aidez-moi, va falloir mettre des chiffres. Seduction, even abduction, addiction, friction, fiction, no fat, net, left, the fat, wait, the devil, rebels, revel in the bubble, a place full ignorance, and that's emotion. Look at me, when I look at you, you only speak when spoken to. Ouh, je crois que je vais niquer ma life. Ouh, je crois que je vais quitter ma wife. Ouh, je crois que je vais tout plaquer pour passer le reste de ma vie dans sa chambre. Ouh, dans ses yeux y'a deux flammes. Pour une nuit, je lui donne mon âme. Ouh, j'aimerais être son petit bouffon. Faire ce qu'elle veut quand éclate des watts. Ouh, je crois que j'ai plus toute ma tête. Si vous m'aimez, aidez-moi. Je vais pas pouvoir le faire moi-même. Ouh, la la la la la.